إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد comme convenu je vais inshallah ta'ala tenter de relater en résumé cette dernière visite que nous avons faite à notre cher Yahya ibn Ali al-Hajouri hafizahullah ta'ala dans son nouveau masjid qui se trouve dans la contrée des tribus de Mourad, dans la contrée de Djouba fi mantiqat fi muhafazat Marib, c'est-à-dire qu'en fait Marib c'est la grande ville principale. Et au Yémen, les grandes villes principales, ils sont rattachés à certaines contrées avoisinantes. Elles portent leur nom, mais elles ne font pas partie réellement. Elles ne font pas la terre de la ville. Comme par exemple, Demmej, à l'époque, était rattaché à la ville de Sarda. En réalité, c'est la ville de Sarda qui était connue, et Demmej y était rattaché. Et bien là, c'est pareil. Djouba, c'est un village qui est rattaché à la ville de Marib. Et cette contrée de Djouba est sous le contrôle des tribus de Mourad, qui sont des tribus puissantes au Yémen, dans le nord du Yémen, et qui se sont engagées à prendre la protection de la da'wah en ce lieu et d'y contribuer selon leur capacité. Ils ont insisté grandement auprès de Shia pour qu'ils viennent auprès d'eux et qu'ils s'installent chez eux. Et cela alors qu'il était encore en Arabie Saoudite. Après que nous soyons sortis de Demmej. Moi, actuellement, je suis dans la ville de Al-Raiza, dans la région de Mahra, dans le sud du Yémen, qui est proche de la frontière entre Oman et le Yémen. À 3 heures de route, je sors du Yémen. Donc, une forme de opposée. Un voyage très très long. Et ici au Yémen, il n'y a pas de train. Les moyens de transport principaux sont les voitures et les cars. Mais les cars sont... Il y a celui qui a des moyens, on conseille de prendre la voiture. Les cars sont des moyens de transport où il se passe des choses qui sont réellement déplaisantes et décevantes. Voilà, Moustarin. Donc on s'en sert qu'en cas d'extrême contrainte, quand on n'a pas d'autres moyens et qu'on n'a pas les moyens de pouvoir voyager d'une autre façon. Il y a l'avion également, mais il n'y a pas vraiment de vol interne et avec les conflits actuels, cela est rendu difficile. Il n'y a pas d'aéroport dans toutes les villes également. Non. Donc avec des frères, nous avons décidé de rendre visite à notre chir après Ramadan, lors des cités de Shawwal. Car à ce moment, il y a beaucoup de visites dans les Marrakech, les machères se rendent visite les uns aux autres, les Toulab, Kazalik. Et les visites sont une chose qui est fortement recommandée en religion. Une visite pour Allah Azzawajal, par amour pour Allah Azzawajal. Cela renforce la fraternité et cela est une grande adoration, comme de nombreux hadiths l'ont démontré. Celui qui rend visite à son frère pour le simple fait qu'il est son frère, qu'il aime Allah, il a la bonne annonce que Allah Azzawajal l'aime également. Wa'akada. Et les plus nobles des ziyaras sont celles qu'on fait pour les ulama, les savants. Les savants qui sont considérés comme étant les guides des hommes en cette dunya. Ceux dont la présence est indispensable. Et ceux qui sont un moyen de pouvoir comprendre et connaître et appliquer correctement c'est pourquoi nous avons été créés. Car là-bas, c'est la révélation qui nous a été faite, mais cette révélation n'est pas comprise par tout le monde comme il se doit. Et les gens qui la comprennent le mieux sont les ulama. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Seuls craignent Allah, les savants. Qui, eux, se sont adonnés à apprendre la religion afin de l'enseigner aux gens. Donc, la proximité d'un alim est une chose qui est importante, et celui qui en a eu l'opportunité et considéré comme ayant été gratifié par Allah Azzawajal de sa grâce. Et bien évidemment, quand il a une bonne niya, comme a dit l'imam Ahmed, Al-ilmu la yu'adilu shay'un liman saluhat niyatuh. Que la science, rien n'a aucun équivalent, c'est-à-dire aucune chose qui a autant de valeur pour celui qui aura une bonne intention. Et ce ilm, c'est propre à des ulama. Et notre cher Yahya, c'est mon cher principal au Yémen. Celui auprès de qui j'ai étudié près de 7 ans et demi à Dammaj. Donc il a un fond de la azim sur moi, il a un haq sur moi. Et il a un statut de père pour moi. Et pour tous ceux toulèbes qui reconnaissent sa valeur et qui reconnaissent son importance et qui savent qui il est réellement. Contrairement à ce qui se dit sur lui, injustement et mensongèrement. Wa kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man lam yashkur an-nas lam yashkur Allah. Celui qui n'a pas remercié les gens n'a pas remercié Allah azza wa jalla. Et le minimum de remerciement qu'on puisse lui faire, c'est de lui rendre visite. De prendre ses nouvelles, de lui passer le salam, quitte à faire des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, car tout cela n'est pas perdu, tout cela est dans les hasanet pour celui qui a une bonne intention. Donc nous sommes partis d'El-Mahra avec un groupe de frères. C'était un dimanche, le dimanche 4 de Shawwal, après le Fajr directement. Nous avons fait une route d'approximativement 12 heures pour arriver jusqu'à Hadramaut, à Sayoun exactement. Sayoun qui est la deuxième capitale de Hadramaut. La première c'est le Mukalla qui est sur les côtes et Sayoun elle qui est dans Wadi Hadramaut, à l'intérieur de Hadramaut, la partie sèche, montagneuse. Les climats sont tout à fait différents. À Sahel, les côtes, c'est humidité et chaleur. Et Sayoun, c'est grosse chaleur aride et sèche. Et les paysages sont magnifiques. Je dirais même que les plus beaux paysages que j'ai vus au Yémen, de façon générale, après Sa'da, ce seraient les paysages qui sont de Wadi al-Hadramaut, dont j'ai mis des photos sur la chaîne. Et encore, vu qu'on était assez pressé, j'aurais pu prendre le temps de prendre de plus beaux clichés, mais cela n'était pas vraiment le but du voyage. C'était juste, si l'occasion se présentait, prendre des photos. Et en réalité, celui qui voit les paysages a le cœur qui s'apaise quand il voit les maisons en terre, car les maisons sont en terre, et on ne dirait même pas qu'elles sont en terre, tellement ces gens-là sont des gens experts dans la construction. Les murs sont droits, lisses, comme des murs en béton. Des bâtisses qui sont magnifiques, Al-Ma Balek. Et la terre, c'est de là que Ibn Adam a été créé. Et la terre, nous qui avons vécu dans des maisons en terre pendant 7 ans et demi à Dammaj, et par la suite, j'ai fait à peu près également 1 an et demi à Sayoun, sont les... Il y a ce qu'il y a de plus agréable. En été, la chaleur est moindre, et en hiver, la chaleur est plus. C'est-à-dire, tu as moins froid en hiver, et tu as moins froid en hiver, et tu as moins chaud en été comparé aux maisons en bloc, en briques. C'est une réalité. Et c'est moins coûteux également. Mais demande plus d'entretien, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés à Sayoun le soir. Au début, on voulait faire le voyage d'un trait. Mais ça aurait fait quoi? 18 heures de route. Et ça aurait été vraiment très fatigant. Et la route est très dangereuse, pleine de trous. Et en plus, la première route, c'était que dans le désert. C'est-à-dire vraiment, avant d'arriver à Sayoun, c'est que du désert. Que du désert, un voyage très fatigant. On a tarsib al-ajr, inna Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons passé la nuit à Sayoun, au Mosil Karn, de Shir, Jumwan, l'Ahmar. Ce qui m'a permis de pouvoir rencontrer des gens que je connaissais auparavant, car après être sorti de Sanaa, j'étais à Sayoun pendant un an et demi. Donc j'ai rencontré pas mal de gens là-bas. Et Cheikh Jumu'an est celui auprès de qui je me suis assis pour apprendre également durant cette période, qui nous a accueillis, qui nous a hébergés, et ainsi de suite. Et les gens du Beled, les gens du pays qui étaient les Ansar de cette Darwa là-bas, ce qui a fait, qui a causé une grande joie de pouvoir nous rencontrer. Je les avais déjà vus il y a quelques temps, lors de ma première visite, mais c'était vraiment furtif. Je suis resté là-bas à peu près une heure. Naam. Et nous sommes repartis le lendemain au Fajr, directement, pour pouvoir arriver assez tôt à Djouba, à Marib. Je précise que lors de ce voyage, nous n'avons rencontré aucune contestation lors des barrages militaires. À savoir que mon passeport est périmé depuis près de 2014. Et malgré cela, personne ne nous embête. Totalement libre. Totalement libre, mais faute de l'Allah ta'ala. Chose qui était impossible à faire auparavant, lorsque nous étions à Dammaj. Ça peut faire de sortir de Dammaj, on s'est attrapé à Sarda ou autre, on était expulsé automatiquement. Même avec une Iqama. Même tu es marié avec une Yéménite, tu as une maison, ce que tu veux, s'ils veulent, ils t'attrapent, ils t'expulsent. Chose qui n'est plus le cas aujourd'hui, alhamdoulilah, car les gens ont appris à connaître la valeur des gens de la Sunna. Alhamdoulilah. Et cette partie du pays n'est pas concernée du tout par la guerre. Donc nous sommes partis après le Fajr de Seyoun pour arriver à Ma'arib. Après, il y a à peu près 6 heures de route. Nous sommes arrivés au Zohr. D'ailleurs, il y a deux barrages là-bas qui sont souvent craints par les frères, pour les frères étrangers. Nous sommes passés comme un couteau chaud dans le beurre. Pas une question, rien du tout. Lors de tout le voyage, lors de l'aller, j'ai sorti ma carte qu'une seule fois. J'ai permis de conduire et Emilite. On me l'a demandé une seule fois, il a regardé deux secondes, il me l'a rendu tout de suite. On m'a dit, te fort dans l'eau. Ah, vous pouvez passer. Aucun problème. Et ces deux barrages, qui sont les plus stricts en général, ils ne nous ont rien demandé. On est passé automatiquement. Il faut de l'Allah ta'ala. Donc la liberté, elle est là, de déplacement. Mais à éviter d'en abuser également, car il y a des périodes. Il y a des périodes plus strictes, des périodes plus souples. Là, alhamdoulilah, nous étions dans une période qui était plutôt souple. Nous sommes arrivés au Zohr. Et, à ma grande surprise, après ma première visite, qui était il y a à peu près 2 ans, à cette époque, il n'y avait que le sous-sol du masjid qui était prêt, la maison de Shir qui était en phase de finition, et également la salle d'accueil des invités qui était en souterrain, qui était prévu pour être la maktaba de Shir par la suite, sa librairie, sa bibliothèque, je veux dire. Et à ma grande surprise, à ma grande stupeur, en arrivant, le lieu avait été totalement transformé, rempli de maisons construites de toulab. Également, les toilettes pour les toulab étaient construites, des magasins étaient présents, c'est-à-dire le lieu était devenu parfaitement habitable pour les familles. Car auparavant, il n'y avait que les célibataires qui y vivaient, qui dormaient dans ce sous-sol, dans le masjid. Et là, le lieu est devenu tout à fait habitable. Tout à proximité. Donc, nous sommes arrivés en pleine salat de Zohr. À peine arrivés, en sortant de la voiture, on entend le takbir de Cheikh Yahya, car c'est lui qui faisait l'imam. On a fait le dos, et on est rentré en salat avec eux. Directement après la salat, il a fait son ders de tafsir de Ibn Kathir, comme son habitude. Après, je me suis levé, on s'est levé avec les frères pour aller lui passer le salam. Qu'il sache qu'on est venu pour lui rendre visite, et alhamdoulilah. Nous sommes arrivés auprès de lui. Et je ne cache pas que Shir, ces derniers temps, est atteint d'une maladie. Et cela se voyait sur son visage. Il avait pris, comme on dit, un coup de vieux. Réellement. Réellement. Quand je l'avais vu il y a 2 ans, wallah, je n'avais pas trouvé de lui de changement par rapport à toutes les années où je l'avais laissé lorsqu'il était en Arabie Saoudite depuis Dammaj. Quand je l'ai vu, il n'avait pas changé. Et là, en l'espace de 2 ans, il avait beaucoup changé. Et cela est dû aux soucis, à la maladie et autres. Bien que son visage était apaisé. Mais il avait pris, on va dire, et également il avait fait un grand régime, qui a dû le fatiguer énormément. Et après, alhamdoulilah, ses fils nous ont servi le repas, a été nous invité dans sa propre bibliothèque, nous sommes assis, il était avec nous, et après s'excuser, il est reparti. Donc de là, après le Asr, nous avons visité le lieu avec des frères qui étaient sur place. J'ai vu tellement de frères de Dammaj que je connaissais auparavant, que je n'ai pas vu depuis Dammaj, d'autres que je n'ai pas vu depuis Sana'a, et ainsi de suite. Des visages, des barbes qui ont blanchi, des enfants qui avaient grandi. On les a connus petits, c'était déjà devenu des adultes, certains d'entre eux, avec des barbes, certains d'entre eux. C'était incroyable. L'ambiance de Dammaj était retrouvée en ce lieu-là. Sans vouloir exagérer. C'était la même ambiance, les mêmes visages d'Akriban. Avec certains en moins, et beaucoup en plus, des nouveaux. Beaucoup de jeunes nouveaux frères qui étaient là. Et principalement des Yéménites. Donc on a fait le tour du lieu. On a vu le lieu comme il était. Les maisons qui se construisaient. Et alhamdoulilah. Nous avons passé là-bas à peu près... nous sommes repartis le surlendemain. Le surlendemain, nous sommes repartis. Entre-temps, j'ai senti le devoir d'avoir interrogé Cheikh Yahya par rapport à cette charte des valeurs républicaines, l'imam de France. Je l'ai interrogé en lui disant, « Ya Cheikh, en citant certains points par rapport à cette charte, et il a dit, bien évidemment, qu'il n'est pas permis de signer cette charte, en aucun cas. Et après, je lui ai dit, « Ya Cheikh, maintenant, pour être imam en France, ils seront contraints de signer cette charte. » C'est-à-dire, personne ne sera imam par la suite sans qu'il ait signé cette charte. Donc, des frères interrogent qu'en est-il de la salade derrière des gens qui ont signé cette charte-là qui contient du kufr. Du kufr clair. Lui-même, il l'a dit. Il a dit, on ne peut pas juger catégoriquement toute personne qui a signé cette charte comme étant un kafir. Donc, il a dit, il faut la salade derrière eux. Mais celui qui aura signé cette charte aura commis un péché. Et bien évidemment, chacun en mesure de sa niya. D'accord ? On ne peut pas entrer dans les cœurs des gens, car il dit certains vont signer cette charte tout en la désapprouvant. Donc il a dit, on ne pourra pas les rendre mécréants, ces gens-là. D'accord ? Donc par rapport à ça, il a dit, les gens continuent à faire salat derrière eux, mais les imams doivent être conseillés de ne pas signer cela, et de ne pas accepter cela, de ne pas l'agréer. Ensuite, concernant l'installation là-bas, à savoir que les terres là-bas sont données, sont des waqf. Des waqf. C'est-à-dire que la chose ne t'appartient pas, elle t'est confiée. D'accord ? Et tant que tu es, cette chose-là est sous ta responsabilité. Donc les terres pour construire sont données gratuitement dans le sens. Mais ne t'appartiennent pas. Le jour où tu pars, cette terre reste la propriété de la da'wa. D'accord ? Après, des différentes tailles sont données. Des terres plus petites, des terres moyennes, des terres plus grandes. Cela en fonction de la disponibilité. Et plus une terre elle est grande, et plus la construction sera coûteuse, bien évidemment. Et certains construisent sur des terres avec des conditions où il est dit, par exemple, que si tu construis sur cette terre-là, il est obligatoire que quelqu'un construise au-dessus de toi, par la suite, un étage, pour qu'il puisse vivre. Car le Merkez attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et les terres ne seront peut-être pas disponibles pour tout le monde à un certain moment, donc ils anticipaient le fait que des maisons à deux étages puissent être faites pour deux familles différentes, ou des grandes, grandes familles, ainsi de suite. Et le reste te revient à toi de construire. Et après, chacun en fonction de ses moyens. Certains vont faire des maisons très minimes, d'autres moyennes, et d'autres qui ont plus de moyens font des maisons peut-être plus confortables. Donc cela revient à peu près à la taille de la maison et les moyens de la personne. Mais en moyenne, les gens souvent interrogent, qu'en est-il du coût ? Nous avons interrogé à propos d'une maison dont la dimension serait une terre de distance de 10 mètres sur 10 mètres, ce qui est assez grand là-bas, 10 mètres sur 10 mètres, et les frères ont estimé là une valeur de construction à peu près de 6 000 euros. Celui qui a moins aura une maison peut-être moins avec des matériaux peut-être de moins bonne qualité et une main d'œuvre moins fiable. Et ceux qui auront plus auront une maison meilleure, bien évidemment. Et les maisons sont tout autour du merkez, du masjid. Et le masjid lui-même fait actuellement 50 mètres sur 50 mètres. 50 mètres de largeur, 50 mètres de longueur, et il compte être triplé dans sa dimension. Ils ont déjà commencé les travaux. Ils vont rajouter 100 mètres en avant et 100 mètres sur le côté. Il va être immense, Allahumma barik. Donc de là, beaucoup de maisons sont attendues. Des terres sont encore en attente, en suspens, avant d'être distribuées, et ainsi de suite. Là-bas, l'eau est gratuite. L'eau potable est gratuite. L'électricité également est gratuite. Et cela, avec accord gouvernemental. Ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas une triche. C'est une chose qui est normale à Marib. Parce que Marib, la ville de Marib, c'est la ville qui distribue l'électricité de façon générale dans le nord du pays. C'est une ville pleine de richesses. D'ailleurs, c'est la ville Ma'arib qui se trouve dans la terre de Saba, qui est citée dans le Coran. L'histoire de Souleymane et l'art de Saba, c'est dans ce secteur que cela s'est passé. Le climat, c'est un climat qui est sec et très chaud. En été, il fait très chaud. En hiver, il fait très froid. Et c'est sec, c'est désertique, entouré de montagnes. Plus chaud que Dammaj et plus froid que Dammaj également. Non, c'est une réalité. La partie du masjid des femmes, elle est prête également au sud du masjid. Alhamdoulilah, les douloufs des femmes sont en place. Il y en a pour tous les niveaux. Et ils comptent également faire une école pour enfants. Faire un établissement, pour en faire un établissement, faire un bâtiment scolaire pour les enfants. Avec un suivi, avec un programme réel zalika. Propre aux enfants. Et sûrement propre également pour les filles. Ils sont séparés là. Des matchs, c'était pareil. Ici à Ma'arib, ce sera pareil. Garçons et filles sont séparés, bien évidemment. Il n'y a pas de mixité. Même dans les rues, on évite de se mélanger avec les femmes. Les femmes elles ont leur propre entrée, leur propre lieu de passage, et les hommes également. Je ne le cache pas, pour pas que les gens idéalisent le lieu. Également, c'est que les Houthis ne sont pas loin. C'est une réalité, car les Houthis veulent ce lieu. Ils veulent Ma'arib. Car on expliquait, c'est un lieu qui est stratégique par rapport au Yémen. Pour tout ce qui s'y trouve. Comme richesse, le gaz, le pétrole, l'électricité, et ainsi de suite. D'accord? Et le lieu, Ma'arib, est sous le contrôle des Ikhwan Muslimin, également. C'est une réalité qu'on vous donne, pour que les gens ne soient pas pris d'illusions. Malgré cela, les gens proposent le tawakkul et ont espoir que par la présence de ce lieu, la dawa sera préservée. Et les tribus sont fermes autour de Shir. Ils ont, alhamdoulilah, ils ont leurs hommes placés dans les montagnes pour faire face à toute tentative d'insertion des Houthis ou de quiconque. Et les tribus sont des gens qui ne sont pas, on va dire, corrompus. Ils se battent pour Allah Azzawajal, pour la vérité. Et pour leur terre également, bien évidemment, pour garder leur territoire. Donc après ce voyage qui m'a apaisé le cœur et qui m'a réconforté de pouvoir revoir ce khayr encore présent, car malgré cela, nous étions dispersés à travers le Yémen, toujours dans le sud, car le sud n'est pas concerné par les conflits qui ont lieu avec les Houthis, mais Ma'arib est dans le nord. Ma'arib est considéré comme étant une région nordique, mais qui n'est pas sous l'emprise des Houthis. D'accord. Et malgré cela, les secteurs pris par les Houthis, il n'y a pas vraiment de conflit. C'est-à-dire ils sont là, des fois il y a des frappes aériennes qui se font par l'armée yéménite, ou des fois par l'armée de la coalition, du Tahallouf, par l'Arabie Saoudite, mais il n'y a pas de conflit vraiment qui amène à détruire les biens des gens et à tuer les civils. En ce moment, c'est très peu, très très peu. Cela c'était au début. Maintenant, chacun essaie principalement de garder son territoire. Les Houthis tentent d'avancer, mais se font refouler. C'est-à-dire même les gens à Sanaa, dans le nord, à Taïz ou autre, il n'y a pas vraiment sur eux de violence et de réels problèmes. Il y a des salafis, des basis salafis à Sanaa. Il y a Cheikh Mohamed qui a Ib, qui est dans le nord. Il y a d'autres frères qui sont à la ville de Taïz, qui est dans le nord. Et ainsi de suite. Et ils n'ont aucun problème. Bien sûr, ils ne peuvent pas dire tout ce qu'ils veulent dire, ça c'est clair. Mais il n'y a sur eux aucune, aucune offense réelle. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Donc pour poursuivre, les conditions d'acceptation dans ce centre sont les mêmes que pour des mèches. C'est-à-dire être salafi, être connu, c'est-à-dire avoir une thèse qu'il y a, soit des gens, des machères du Yémen qui vous connaissent, ou soit par des gens qui sont intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils connaissent les machins du Yémen et qui vous connaissent, ou des gens qui connaissent les gens qui connaissent les machins du Yémen. Il faut qu'il y ait un sanad, une chaîne de narration jusqu'à vous. Un inconnu pur ne peut pas être accepté et ne sera pas aidé à venir. Car il y a des gens mal intentionnés qui veulent faire du mal à la darwa. Il y a des espions, d'accord, et des gens qui ont une maladie dans le cœur qui veulent faire du mal. Donc tant que la personne, on n'est pas sûr de qui elle est, et qu'elle soit recommandée par d'autres personnes, qu'elle est fiable. Quand on dit fiable, c'est-à-dire une personne salafi de bon comportement, qui veut le khayr, il n'y aura pas d'entraide pour venir dans le lieu. Là-dessus, on est catégorique. Le machin n'accepte pas d'inconnu. Chose qui est tout à fait normale. D'accord ? Cela est tout à fait normal. Et surtout ces jours-ci. Car des gens ont été, parmi nos frères prédicateurs, ont été approchés par des espions qui, par la suite, ont fini par propager des mensonges et faire du mal à, tenter de faire du mal à la darwa. Et bien sûr, les koufars ne voient pas d'un bon oeil ce genre de projet. Eux, leur but, c'est que cela disparaisse. Comme ils ont voulu faire disparaître Demmedj. Car ce qui s'est passé avec les Houthis à Demmedj, c'était un complot international derrière lesquels étaient des grands pays. Le Houthis lui-même ne pouvait rien faire. C'est qu'il a été appuyé. Et non pas par l'Iran seulement, mais par plein de pays. Plein de pays étaient au courant de cela et ont donné leur aval. Pour que cela se fasse, pour que Demmedj soit éradiqué, de la carte et que le Houthi puisse s'emparer du Yémen. Car si le Houthi, qui sont des Rawafids, prennent le contrôle du pays, les koufars pourront faire ce qu'ils veulent par la suite. Car les Rawafids sont des instruments, des outils des koufars. Cela est connu pour celui qui reste attentif dans sa religion. Non. Donc après cela, nous avons décidé de retourner une fois que le besoin a été fait. La sunna, c'est de retourner auprès de nos familles rapidement. Comme quand le Nabi s'enlève, فَلْيُعَجِلْ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَهْلِهِ. D'accord, quand tu fais ton voyage, tu fais ce que tu as à faire, tu dois retourner rapidement auprès des tiens. Donc nous sommes repartis le jeudi, vers Dhor. Nous avons fait encore les 6 heures de route pour arriver à Seyoun, une fois de plus. Je rectifie, nous sommes partis le mercredi dans la matinée, avant Dhor. Nous sommes arrivés à Seyoun à peu près après le Maghreb. Nous avons passé la nuit là-bas. Nous sommes repartis le lendemain matin au premier Azan, avant le Fajr, pour arriver à Raïda, à Mahra, avant le Maghreb. Naam. Takrima. Wa akada. Donc voilà. Donc Shir Yahya accueille quiconque veut venir sous les conditions requises. D'accord ? Et là-bas, celui qui vient vivre là-bas devra construire sa maison. Et après, il y a des conditions qui seront données pour certains, d'autres qui n'auront pas de conditions. Ça dépend de l'endroit où la terre se trouve. Ou à Kaza. Et celui qui aura construit sa maison, le jour il repart, il reprend la valeur de sa maison et il s'en va. Sauf celui qui aurait une maison qui a été faite par, en majeure partie par la Darwa, lui n'a rien récupéré. Et celui qui vient sur une terre qui construit sa maison, le jour il repart, par exemple, il récupère la valeur de sa maison et il s'en va, s'il veut repartir. Ou s'il y a un problème qu'il est renvoyé pour différentes raisons ou autres. Et si jamais il part, même 10 ans qu'il revient, la maison elle est à lui. Contrairement à certaines conditions qu'on avait à Damage auparavant. Tu pars même 10 ans et que tu reviens, ta maison elle est ta maison. Et si jamais tu meurs, ta maison revient à tes enfants, ainsi de suite. Les conditions ne rentrent en jeu que le jour où il y a un départ définitif du lieu. Et après, dans ta maison, tu fais ce que tu veux. Tu la construis comme tu le veux, comme bon longtemps, tant que cela n'amène pas à haram. Et après, bien sûr, le but n'est pas de faire une maison, mais de faire talab al-ilm. Car actuellement, là, alhamdoulilah, les plus grands mustafidines du Yémen, on en a vu beaucoup qui sont revenus là-bas. En fait, comme pour résumer, Damage est en train de revivre, de se reconstruire en ce lieu. فنسأل الله يحفظ هذا المكان من كل سوء ومكروه وأن يحفظ شيخنا وأن يشفيه ويعافيه ويثبت أقدامنا وأن يوفقنا لكل خير. C'est beaucoup de doigts que l'on fait, car des gens, bien sûr, verront cela de mauvais oeil. La jalousie, elle est présente également des ennemis de la da'wah, même parmi les muslimines, parmi les munafiqines, parmi les hizbi, parmi les maftoun, des gens qui ne vont pas voir cela d'un bon oeil. Donc le makr va se faire. Il a déjà commencé d'ailleurs. Les gens ont tenté de faire, comme on dit, de faire des croche-pieds à Shir pour que cela ne se mette pas en place. Mais, alhamdoulilah, Allah fait échouer leur complot à chaque fois, jusqu'à présent. Donc, nous encourageons toutes personnes qui sont en mesure de pouvoir venir et qui remplissent les conditions de le faire. Et je répète une histoire qui arrive à un de nos frères qui, après avoir été expulsé de son pays, il est rentré en France malgré lui. Nassallahu yarhamahu. A eu droit à l'interrogatoire des RG. Ils l'ont dit clairement. Je l'ai dit et je le répète. Ils l'ont dit clairement. Que vous les salafis, vous n'avez aucun lieu où vous pourrez faire votre religion comme vous l'entendez, à part au Yémen. Où que tu ailles, tu ne pourras pas le faire comme tu le veux. Ni en Arabie Saoudite, sache-le. Ni en Algérie, sache-le. Ni au Maroc, tu n'auras une liberté de culte que tu auras, et dans la Darwa et dans le Rim, que tu l'auras comme au Yémen. Sache-le. Et c'est pas pour diffamer les autres pays, c'est une réalité. Et les fadaïles du Yémen sont très nombreuses dans les ahadiths qu'on a cités. Et on le voit aujourd'hui. Les changements dans les pays sont flagrants. Au Yémen, la religion, elle est préservée. On ne dit pas que tout est parfait, le djinnah n'est qu'après la mort. Il y a des défauts au Yémen, beaucoup de défauts qui existent. Mais la religion, elle est là. Tu veux la religion, tu vas la trouver. Tu veux le ilm, tu vas le trouver. Tu veux la jamaa, tu vas la trouver. Tu veux la salafia, tu vas la trouver. Après, patienter sur les autres choses. Et chacun ses priorités. Celui qui veut la dunya, il aura la dunya. Celui qui veut l'akhira, a les causes ici présentes pour pouvoir l'obtenir du mieux possible. Naam. Donc là, c'est un petit résumé par rapport à cette ziyara qu'on a faite. D'accord ? Et donc là, c'était pour donner un aperçu aux gens. Et bien sûr, les khabar al-muayyan, c'est-à-dire qu'une information qui est donnée, j'ai raconté n'est pas comme ce qui a été vu. C'est-à-dire, ce que j'ai vu moi n'est pas descriptible, réellement. Et il faut le voir pour pouvoir le réaliser. Celui qui veut plus d'informations, qui vient sur place et qui voit par lui-même. Azaou. Naam. Rabbi Adal Qad Naktafi. Wa alhamdulillah Rabbil Alamin.